Épilogue. 10 mois plus tard, Jeanne était pour tous l'hostalière de l'auberge, même si tout le monde savait qu'elle n'en était pas propriétaire. Ses relations avec l'aubergiste restaient toujours courtoises et polies. Dans l'intimité, elle savait rester à sa place et suivait les volontés de l'aubergiste pour la marche de son affaire. La présence toute proche de son compagnon fit taire les mauvaises langues, qui avaient tendance à voir des cocus partout, d'autant que l'aubergiste, l'esprit plus tranquille, s'était trouvé une compagne qu'il présentait à tous comme sa future épouse. Cette dernière, mercière de son état, avait assez d'occupations avec son commerce pour ne pas empiéter sur les prérogatives de Jeanne. Hyacinthe, lui, gagnait tous les jours les faveurs de sa clientèle grâce à la qualité de son travail. Il fut vite débordé par les commandes qui faisaient le gros de son ouvrage et dut prendre un apprenti pour les réparations courantes. Souvent, le soir, ils échangeaient tous deux les récits de leur journée. Tel client de l'auberge avait profité de son passage pour faire réparer des souliers. Tel autre avait décidé d'aller déjeuner à côté en attendant que ses bottes fussent prêtes. Assis au bord de leur lit, ils se laissaient aller l'un contre l'autre, partageant la même affection. Que de chemin parcouru depuis la rue du Griffon. Jeanne était persuadée que l'âme d'Angèle veillait sur eux comme un bon ange. Dans leurs prières, ils prirent l'habitude de lui parler à haute voix, comme s'il avait été présente dans la pièce. Pour se dévêtir, ils faisaient preuve de pudeur, pas vis-à-vis l'un de l'autre, mais pour ne pas choquer Angèle. Un jour, en fin de matinée, l'aubergiste revint de Plan d'Orgon où il était allé acheter des légumes. Selon son habitude, il s'arrêta au relais où circulaient les nouvelles. Le maître de poste lui parla d'un souci qu'il avait eu au sujet d'une lettre remise par la poste. Elle était adressée à Jeanne Larieux, quelqu'un qu'il ne connaissait pas. « T'en fayez pas, » lui dit l'aubergiste. « La connais-si, you ?» Ben là, mets la lettre A. Je vais tantôt la lui remettre en main propre. » L'aubergiste, au courant du drame de la diligence, put ainsi vérifier que ni Jeanne ni Hyacinthe n'avaient plus rien à craindre. De retour à Saint-Rémy, l'aubergiste fit languir Jeanne comme s'il ramenait un cadeau d'un prix infini. « Jamais de Minarets, soca hyperos, Jeanne. » Finalement, la lettre, cette lettre que l'on n'attendait plus, fit autant d'effet qu'un coup de foudre. Jeanne vola à l'échoppe voisine pour la montrer à Hyacinthe. Tous deux avaient reconnu l'écriture élégante d'Armande, mais aucun d'eux ne se décida à décacheter la missive. « ce soir, nous la lirons dans notre chambre, » suggéra Hyacinthe. Et toute la journée se passa dans l'attente de la veillée, tout comme un enfant garde une friandise pour faire durer le plaisir. Enfin, les deux amis furent assis au bord de leur lit et décachetèrent la lettre avec la présence éthérée d'Angèle. Hyacinthe commença la lecture d'une voix feutrée et chevrotante d'émotion. « Chers vous deux et amis bien-aimés, tout va bien. » Ce beau début leur fit pousser un ouf de soulagement. Ils s'étaient fait tellement de soucis. Pour le lecteur, nous transcrivons ici le texte en français, car la lettre était bien évidemment écrite en provençal. Jusqu'à Lyon, notre voyage s'est bien déroulé, malgré quelques petits incidents de rien du tout. Au relais, nous avons souvent croisé des gens qui fuyaient Paris, où, paraît-il, la révolution se durcit. Ils disent qu'une troupe de hyènes a fondu sur la ville comme au temps des grandes invasions. À partir de Valence, je commence à être malade. J'ai eu beaucoup de fièvre et ai causé une belle frayeur aux autres. Je vomissais souvent et tout le monde a cru que j'avais attrapé le choléra. On me traitait comme une pestiférée. Heureusement, arrivé à Valence, un médecin m'a dit que je m'étais empoisonné avec de la nourriture avariée. J'étais dans un tel état de fatigue que j'ai bien cru que j'allais rejoindre Angèle. À Valence, nous avons bifurqué vers Romans pour rejoindre Annecy. À partir de là, le voyage est devenu beaucoup plus difficile. Les relais se multipliaient car la route est plus accidentée. À Voiron, nous avons dû nous arrêter pendant 2 jours pour nous reposer. Manon était aussi très fatiguée et les hommes ne valaient guère mieux. Pour économiser, nous avons pris l'habitude de ne prendre qu'une seule chambre. Comme chacun de nous n'a pas de secret pour les autres, nous ne nous sommes pas gênés. Au début, ça mettait un peu de piquant dans nos relations et nous nous sommes bien amusés, le voyage commençant à nous paraître bien long. Mais très vite, nous avons eu besoin de retrouver notre intimité. Après Voiron, au relais des échelles, nous étions extrêmement fatigués. Nous nous sommes endormis comme des masses. Depuis quelque temps, Corentin avait du mal à supporter la ceinture de Hyacinthe et était obligé de l'enlever la nuit pour ne pas avoir d'escarre. Au matin, nous avons eu la dramatique surprise de constater qu'on avait volé la ceinture de Corentin. C'était comme si la foudre nous était tombée dessus. La moitié de notre capital s'était envolée aux mains des voleurs. Tous nos projets étaient contrariés. Peu avant Annecy, Manon a commencé à être malade. Elle avait des nausées, des vomissements, et pour le coup, on crut qu'elle avait attrapé le choléra pour de bon. À une étape, une vieille l'examina et déclara qu'elle était tout bonnement enceinte. Cette nouvelle nous causa beaucoup de joie, comme si cet enfant avait 4 parents au lieu de 2. Mais en même temps, une nouvelle responsabilité nous incombait au moment où nos moyens s'étaient considérablement réduits. Avec Manon enceinte, la suite du voyage devenait encore plus problématique. Aussi, nous prîmes la décision d'arrêter notre périple à Annecy. Certes, ce n'est pas le Valais, mais il y a aussi un magnifique lac et les gens y sont accueillants. Au début, nous avons eu quelques difficultés avec la langue, car les petites gens ne parlent ni le français ni le provençal. Mais nous apprenons vite et arrivons tout de même à nous faire comprendre. Hier a été une grande journée. Corentin vient d'être embauché par la municipalité pour la réfection du mobilier de la mairie, brûlé lors d'une émeute l'année dernière. Anicès s'est proposé pour réaliser les tapisseries. Tous deux ont été pris à l'essai, mais je sais bien que de tels artisans ne courent pas les rues et nous avons de bons espoirs. Je ne sais si nous nous reverrons un jour, mais promettez-nous solennellement de toujours correspondre. Vous nous manquez énormément. Il ne se passe pas un jour sans que nous pensions à vous. Ensemble, en l'espace de quelques mois, nous avons vécu à Aix des moments inoubliables où nous avons pu apprécier vos qualités de cœur et votre amour. Vous resterez toujours nos meilleurs et bien-aimés amis. Voici notre adresse, Corentin Gassin, Anicet Imbert, 6 rue de Lille, Annecy. Répondez-nous vite que nous ayons enfin de vos nouvelles. Ah, j'allais oublier. Nous avons lu dans une gazette que ce chien d'Abérive était enfin crevé. Voilà la terre de Provence enfin débarrassée d'un fléau. Suivaient des petits mots tracés par les 3 autres amis d'une écriture plus ou moins maîtrisée dans lesquels Corentin, Anicet et Manon assuraient Jeanne et Hyacinthe de leur indéfectible amitié. « Eh bien, s'écria Jeanne en s'essuyant les yeux, « ils n'ont pas été en Suisse. Bon, peu importe, du moment qu'ils sont heureux. »« Et nous non plus, nous n'avons pas été en Suisse, » repartit Hyacinthe. « Mais nous ne sommes pas malheureux tout de même, hein ?» Jeanne ne répondit pas, mais se laissa aller contre Hyacinthe pour lequel elle éprouvait désormais une affection aussi forte que celle qu'elle avait éprouvée pour Angèle. Dès le lendemain, chaque moment de libre allait être passé la plume à la main pour répondre abondamment aux amis anciens. Ce fut donc de façon épistolaire que les Saint-Rémois et les anciens vécurent ensemble les années suivantes. Ils ne se revirent jamais, mais Jeanne apprit le mariage des 2 couples. En 1792, le divorce par consentement mutuel fut institué. Mais comme les actes de mariage étaient détenus par les paroisses dont beaucoup de registres avaient disparu, la municipalité d'Annecy décréta que les 2 couples n'étaient pas officiellement mariés. Ils pouvaient donc s'unir légalement dans les formes nouvellement instaurées. À Saint-Rémy, on apprit ensuite la naissance de Philibert, le fils de Manon, puis celle de Marianne, la fille d'Armande. À Annecy, on fut alarmé de la pneumonie de Hyacinthe, maladie dont il réchappa, mais en garda une toux tenace pour le restant de ses jours. Jeanne finit par acheter l'auberge qu'elle faisait si bien tourner. L'hostalière devint la Mateno. Hyacinthe arrêta son activité. Jeanne prit un gérant pour l'auberge et tous deux vécurent désormais en petits bourgeois, louvoyant adroitement au gré des changements de régime. Un matin, vers midi, un homme se présenta chez Jeanne. Il portait un bel uniforme de hussard et descendit d'un magnifique cheval noir. Il ne devait pas avoir encore 30 ans. « Et bonjour, Jeanne !» dit-il d'un ton jovial, l'œil brillant et amusé. Jeanne ne répondit pas, mais regarda attentivement cet homme qu'elle avait l'impression d'avoir toujours connu. Elle tendit un index tremblant vers lui et bafouilla. « C'est ça, » fit l'officier, « c'est moi. Je savais bien que vous me reconnaîtriez, même si vous ne m'avez jamais vu. » Reprenant ses esprits, Jeanne finit par articuler. « Tu es le fils d'Anicet, tu es son portrait craché. »« Gagné !» répondit le hussard en riant. « Je suis bien Philibert, le fils d'Anicet et de Manon. Mais vous ne devinerez jamais le prénom de mon épouse, la plus belle femme d'Annecy, pour laquelle j'ai déjà tué 2 hommes en duel au pistolet. »« Ah ? » fit Jeanne en hochant la tête. « Un pistolet, ça tue bien son homme. »« Oui, je sais, mes parents m'ont raconté, pour la diligence. » Hyacinthe signala sa présence par une petite toux sèche. Sa sagacité ne fut pas prise en défaut. « Ce ne serait pas Marianne, ta femme. » « Mais tu es un beau couillon de lui faire cadeau des morts. Tu trouves que la guerre n'en fait pas assez. »« Vous dites la même chose que mon père, » répondit Philibert, amusé. « Ton père a raison, il aura toujours raison. »« Encore gagné, » s'écria le hussard en le prenant dans ses bras. « Dans le fond, je suis un peu votre petit-fils, pas vrai ?» Les 2 vieux ne purent répondre. tant ils étaient émus. En septembre 1792, Jeanne avait appris aux Anciens qu'une bande venant de Marseille avait vandalisé la mairie en lacérant les tableaux des rois de France et des anciens comtes de Provence. La troupe était certainement constituée de peu de véritables Marseillais. Néanmoins, les Nervis s'étaient saisis des administrateurs, des présidents et des greffiers du tribunal et les avaient ramenés à Marseille. Ce coup de force avait pour but de bien faire comprendre aux Aixois qu'ils n'allaient pas suffisamment vite pour tourner la page de l'ancien régime. Corentin et Anicet eurent un coup de sang à l'annonce de cette nouvelle. S'ils avaient encore été à Aix à cette époque, nul doute qu'ils se seraient opposés par tous les moyens pour empêcher ce vandalisme. Ils auraient cassé plus d'une tête, mais très certainement auraient péri sous des coups de couteau perfides. Les Anciens regrettèrent de ne pas avoir vu terminer le monument de Joseph Sec, ce riche menuisier, qui s'était fait bâtir un mausolée d'inspiration maçonnique en reconnaissance à sa ville et à la gloire de la République. Corentin fit une mauvaise chute de cheval qui le rendit paraplégique. Voir cette force de la nature réduite à se faire pousser dans un fauteuil à roulettes était un véritable crève-cœur. Néanmoins, il continua son travail de sculpteur tant que ses mains purent tenir un ciseau. Anicet délaissa son état de tapissier de fauteuils et de chaises, il acquit un beau métier à tisser, et Manon put réaliser de jolies pièces qui sont aujourd'hui encore très cotées. Quant à Armande, elle se spécialisa dans la création de vierges en bois, lorsque la religion fut de nouveau autorisée dès 1802. Corentin mourut le premier à l'âge de 68 ans en 1825. Anicet quitta ce bas monde 18 mois plus tard, vraisemblablement au même âge que Corentin, puisque leur date exacte de naissance n'était pas connue. Manon et Armande vécurent toutes deux jusqu'à près de 80 ans. Hyacinthe fut emportée bien avant eux par une embolie pulmonaire. Jeanne lui survécut pendant 4 années de douleur et de chagrin. Elle mourut d'une attaque devant la tombe d'Angèle. Quant à Morel, il avait repris son étude de notaire en s'abstenant cette fois de jouer les usuriers véreux. La disgrâce de l'abbé Rive ne lui porta aucun tort, car il avait su se ménager des ouvertures d'un côté comme de l'autre. Pour la plupart des Aixois, il passait pour un homme sage et providentiel. Il louvoya intelligemment à travers les changements de régime, comme on descend un rapide en canoë, pagayant ici à droite, là à gauche pour éviter les écueils, en vrai petit Talleyrand de province. Lorsque sa cuisinière, que par dérision on appelait Martoune Morel, annonça sa mort, à plus de 80 ans, on crut à une farce. Ça faisait si longtemps qu'on attendait qu'il crevât. Alors qu'il escomptait mourir dans son lit, entouré de ses gens, le sort lui réserva un tour de sa façon. Il visitait un bien mis en vente dans son étude. Dès qu'il arriva dans le quartier, alors que le soleil était radieux et la température clémente, il fut pris d'une espèce d'angoisse et d'un froid intense par tout le corps. Pendant qu'il remontait de la cave, il sut, ou il décida peut-être, que sa dernière heure était venue. Il venait de reconnaître la cave dans laquelle sa famille lui avait été enfermée. Tous ses souvenirs lui remontèrent à la gorge, tel un repas qui passe mal. Son malaise fut si intense que son vieux cœur ne put le supporter. La boucle était bouclée. Par testament, il léguait la moitié de sa fortune à son fils, richissime planteur de coton aux Amériques. Le reste de l'héritage fut partagé entre les nombreuses communautés religieuses aixoises, revenues se poser sur les toits de leurs églises et couvents comme des oiseaux migrateurs. La maison de la rue de la Masse revint à Martoune. Elle ne garda que l'appartement du premier étage et se maria sur le tard à un négociant d'huile d'olive qui peut subvenir à l'entretien du bien et du ménage. Dans la salle à manger, trônait en bonne place la tapisserie d'Anicet. Aix ne retrouva jamais sa splendeur d'antan. La Révolution, aidée par les coups de boutoir des Marseillais, lui avait porté un coup fatal. Le peuple phocéen avait eu raison des nobles, des bourgeois et des paysans aixois. Le commerce avait vaincu la magistrature. C'est ainsi que prend fin cette chronique de gens qui, comme tant d'autres, avaient vu le cours de leur vie changer pendant la Révolution. Certains lecteurs feront peut-être remarquer que les protagonistes ont commis plusieurs crimes totalement impunis. Mais l'époque le voulait ainsi, les temps étaient troubles. Les lois et la justice furent longtemps un édifice branlant, dans lequel personne ne se reconnaissait. Mais c'est aussi cela, la Révolution. Aix, septembre 2016. Ainsi s'achève La cave ou la corde, ou Les tribulations d'artisans aixois sous la Révolution, par Jean Darrigue.